Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, Latude, l'évadé de la Bastille. Madame, de grâce, ayez pitié de moi. Je suis à la Bastille depuis 14 années. Je n'en puis plus. Si j'ai eu le malheur de vous offenser, pour l'amour de Dieu, ma reine, daignez jeter vos yeux de compassion sur moi. Je n'étais alors qu'un enfant. C'est par des mots comme ceux-ci, éplorés et déchirants, que d'Henri, plus connu sous le nom de Latude, tenta plusieurs fois d'attirer le pardon de la marquise de Pompadour, la favorite de Louis XV, qui en 1749, par lettre de cachet, avait ordonné son incarcération à la Bastille. La Bastille, cette terrifiante forteresse où l'on pouvait être jeté sans savoir ni pourquoi ni pour quelle durée. Mais Latude, qui passa 35 années de sa vie en prison, ne s'est pas contenté de pleurer. Celui qui, pendant la Révolution, deviendra un héros, un martyr de l'arbitraire et du despotisme, fut aussi un maître de l'évasion. La plus spectaculaire, celle du 25 février 1756, lorsque par une nuit sans lune, il réussit l'impossible, s'évader de la Bastille. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Hervé Lauwers, bonsoir. Bonsoir Stéphanie Duncan. Vous êtes historien, spécialiste de la Révolution française ainsi que de la justice au XVIIIe siècle et c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Pourquoi Latude est-il un personnage aussi fascinant? Alors c'est un personnage fascinant parce que son histoire finalement croise un moment tout à fait particulier de l'histoire du XVIIIe siècle, qui est celui de la remise en cause d'un régime, mais aussi de ses instruments de pouvoir, à commencer par les lettres de cachet. Et finalement, l'histoire de Latude, c'est d'une part une anecdote, l'histoire d'un personnage sans grande importance, mais qui, c'est vrai, va s'évader à plusieurs reprises des prisons d'État, mais d'un personnage sans importance qui va devenir un véritable symbole en 1789 et même déjà quelques années avant le début de la Révolution. Un personnage attachant aussi, on va le voir. Un personnage attachant qu'on arrive à bien connaître et à bien cerner par l'intermédiaire de ses lettres qu'il a laissées par dizaines et qui sont encore conservées aujourd'hui. Un homme qui s'épanche, comme on commence à s'épancher à la fin du XVIIIe siècle. C'est l'époque de Rousseau qui commence là. Et il parle effectivement beaucoup de la manière dont il vit son incarcération, de la manière dont il espère un jour son élargissement et sa vie à nouveau en liberté. C'est un homme du peuple aussi, je crois, né dans le Languedoc, d'une mère servante et d'un père inconnu. Il avait tout pour demeurer dans l'obscurité de l'histoire. Et normalement, il aurait dû mener une carrière très discrète, effectivement. Alors, il s'engage dans l'armée. On est à l'époque de la guerre de succession d'Autriche. Il est chirurgien, être chirurgien dans l'armée. Ça veut dire quoi, ça, être chirurgien? Il soigne les blessés sur les champs de bataille. Donc, il a mené cette carrière d'être chirurgien. Et en 1748, la guerre étant terminée, il est démobilisé. Il se retrouve sans emploi et à Paris. Alors pouvez-vous nous rappeler, Hervé Lauwers, quelle est la situation en France en 1749, justement quand l'histoire va commencer? On est dans le plus long règne du XVIIIe siècle, dans celui de Louis XV, qui est un monarque qui s'intéresse somme toute assez peu aux affaires publiques. Un monarque que l'on connaît aujourd'hui avant tout pour sa vie de cour, pour ses aventures amoureuses aussi, et à l'époque de cette histoire, le roi vit avec la marquise de Pompadour, et c'est autour de ces deux personnages, de la peur du complot aussi, qui est omniprésente à la cour, que va se nouer le début de l'intrigue. Et le roi et Madame de Pompadour sont-ils populaires à cette époque-là? Alors, le roi est encore le bien-aimé dans ces années 1740. Alors, ça va changer assez vite dans les années suivantes. Dès les années 1750, l'image du roi est en train de changer et on verra effectivement de nouveau un personnage attenté à la vie du monarque, ce qui n'était plus arrivé depuis très longtemps avec Damien. Ouais. Dans les années 1740, il est encore le bien-aimé. Après Latude, notre deuxième personnage principal ce soir, ce sera la Bastille, cette forteresse qui va être détruite en 1789, mais qui est bien présente là, en 1749, imposante, au bout de la rue Saint-Antoine à Paris. C'est une prison pour qui? Alors c'est une prison qui a le statut de prison d'État, comme Vincennes, comme le Mont-Saint-Michel, comme Pignerol. Autrement dit, une prison politique dans cette France du XVIIIe siècle. À l'époque de Louis XV, on y incarcère essentiellement des jansénistes, des protestants, des auteurs qui ont la plume un peu trop insolente, légère et insolente. Comme Voltaire. Voilà. Plus des personnes qui sont soupçonnées de complot contre l'autorité de l'État. Ou aussi des fils et des filles de famille aussi. Les familles les envoient là pour qu'ils s'assagissent un peu. Pour les grandes familles, oui, pour la Bastille. Sinon, il y a beaucoup d'autres lieux d'incarcération à Paris où les lettres de cachet qui sont parfois délivrées à la demande des familles permettent d'incarcérer des enfants de famille, des garçons, des filles qui ont un comportement qui déplaît à leurs parents. Et bien sûr, la Bastille est une prison dont on ne s'évade pas. Hervé Lauwers, nous nous retrouvons dans une trentaine de minutes. Tout de suite, l'étude L'évadé de la Bastille, un texte de vous, Hervé Lauwers, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Cédric Aussire. Jamais été si fébrile. Pour Allègre et moi, ce sera la liberté ou le cachot. Le soleil ou l'obscurité. Et ça peut tenir à peu de choses. Au moins, on aura mis les chances de notre côté. Tout est prêt, et bien prêt. L'échelle de corde, l'échelle de bois, les outils, les vêtements secs pour nous changer une fois dehors. Et l'heure est propice. On ne peut espérer mieux. Une belle nuit d'hiver bien sombre et bien sèche. Quand on arrivera dans les fossés de la Bastille, l'eau sera froide, c'est sûr. Mais ce sera le prix de la liberté. J'attends ce jour, plutôt cette nuit, depuis si longtemps. 25 février 1756. Dans leur cellule de la Bastille, éclairée par une flamme chancelante, deux prisonniers s'agitent en silence. Leurs pas sont feutrés, leurs gestes vifs et précis. D'Henri, que l'histoire connaît sous le nom de Latude, et son compagnon Allègre ont été incarcérés quelques années plus tôt par un ordre du roi. Une lettre de cachet, sans jugement et sans date fixée pour leur sortie. Ce soir, une fois les gardiens couchés, ils entreposent leur étrange matériel près de la cheminée vide. Exceptionnellement, ils n'ont pas allumé de feu. Ils s'apprêtent à s'évader d'une prison dont on ne s'évade pas. C'est bon, Allègre, t'as fini ? Il y a un barreau qui résiste. Allez. Voilà, c'est fait. La cheminée, c'est notre avenue vers la liberté. Oui, mais il y aura d'autres obstacles. Ne t'en fais pas, je le sens. La chance est avec nous. Allez, je grimpe le premier. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir la tête du porte-clés demain matin. Et celle du gouverneur et du major. T'imagines ? Discute-moi et grimpe. Dès que tu arrives là-haut, je t'attache le matériel à la ficelle. C'est parti. Il y a 6 ans, je m'évadais de Vincennes. Maintenant, c'est de la Bastille. À nous, la liberté ! L'exploit de Latude et Allègre pourrait rester anecdotique. Mais 30 ans plus tard, au lendemain du 14 juillet 1789, Latude sera fêté en héros. On se souviendra de ses 35 années d'emprisonnement par lettre de cachet, de ses 3 évasions, mais plus guère des motifs de son arrestation. Il n'était pourtant pas glorieux. C'était il y a longtemps, en 1749, à l'époque où Latude s'appelait encore d'Henri. À 24 ans, pour faire carrière, il avait recherché la protection de la Pompadour, la maîtresse de Louis XV, en imaginant un stratagème rocambolesque qui allait avoir pour lui des conséquences fatales. Le 28 avril 1749, d'Henri, alias Latude, se rendit à pied à Versailles. Il y parvint dans la nuit. Madame de Pompadour ne peut vous recevoir, monsieur d'Henri. Mais elle vous remercie de votre venue à Versailles. Le danger est réel, vous savez. J'en suis conscient, et la marquise aussi. Elle m'a prié de lui rapporter précisément vos propos, et je le ferai. Racontez-moi, qu'avez-vous appris ? Eh bien, je traversais le jardin des Tuileries. En passant près de 2 hommes assis sur un banc, j'ai saisi des bribes de conversation. D'une étrange conversation, j'ai tendu l'oreille. Ils voulaient débarrasser la France de la marquise. Je suis désolé, ce sont leurs mots. Vous pourriez les reconnaître ? Je, Je ne sais pas, ils avaient la trentaine, l'un d'eux était de grande taille, ils étaient habillés de noir. Très vite, ils se sont levés. Je les ai suivis jusqu'à la grande poste où ils ont déposé un paquet pour Versailles. Je crois que c'est un colis empoisonné. C'est pour ça que je suis venu. Et à pied, c'est un long voyage depuis Paris. Faut vraiment intercepter ce colis. Nous le ferons. Et vous serez récompensé. La marquise sait reconnaître ses amis. Où est-ce qu'on peut vous joindre ? J'habite le cul-de-sac du Coq, à côté du Louvre. Tout le monde me connaît là-bas. Je suis garçon chirurgien et j'ai servi dans les armées du roi. J'y servirai encore si la paix n'avait pas été signée. C'est à un policier expérimenté nommé Saint-Marc qu'est confiée l'enquête sur les mystérieux comploteurs des Tuileries. Il lance des recherches, discute avec le dénonciateur et perçoit des incohérences dans son récit. Rapidement, il le perce à jour. C'est Latude qui a écrit l'adresse trouvée sur le colis piégé et c'est lui qui l'a confectionné. Certes, lorsqu'avec d'infinies précautions le paquet a été ouvert, il s'est révélé insignifiant. Il contenait de petites fioles de verre, fines et fragiles, qui devaient se briser à l'ouverture, puis répandre dans l'air un peu de poudre d'alun et de vitriol. Bien qu'inoffensif, le colis trahissait une volonté criminelle. À Paris, le 1er mai 1749, Saint-Marc procède à l'arrestation du suspect. Au nom du roi, voici une lettre de cachet, monsieur d'Henri. Je vous emmène à la Bastille. Montez dans le fiacre et n'obligez pas mes archers à intervenir. À la Bastille ? Mais c'est un repère de jansénistes et d'ennemis du roi, je ne suis rien de tout ça. La peine de faire le malin, montez. Mais enfin, madame de Pompadour, vous direz... Suffit, montez donc. Votre écriture vous a trahi, vous avez beaucoup à nous avouer. Pendant 15 jours, Latude s'obstine à raconter la même fable. Lorsqu'enfin il avoue sa supercherie, il est trop tard, on ne le croit plus. Saint-Marc soupçonne maintenant un vaste complot dont le suspect ne serait qu'un rouage. Latude est détenu à la Bastille, puis au donjon de Vincennes. On le garde pour obtenir les noms de ses commanditaires et complices, puis pour le punir de son crime et de ses mensonges. Bientôt, profitant de l'inattention des gardiens et d'une porte ouverte, il aggrave son cas en s'évadant de Vincennes. Sa cavale dure moins d'une semaine. Le 1er juillet 1750, un fiacre le conduit une seconde fois vers la Bastille. Allez, descendez et avancez. Doucement, doucement, monsieur Saint-Marc. Et avouez, c'était drôle, cette porte ouverte dans le jardin de la prison. Comment aurais-je pu résister ? D'Henri quitta Vincennes, Mironton, Mironton, Mirontaine. D'Henri quitta Vincennes. Ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Vous en prenez bien à votre aise, on ne s'évade pas des prisons d'État. Et vos gardiens ont été punis, vous savez ? J'en suis désolé. Cela dit, une fois dehors, j'ai écrit au médecin du roi pour obtenir son soutien. Et je lui ai donné mon adresse, ça vous a aidé ? C'était idiot, mais ça ne change rien. Là, prenez l'escalier à gauche, juste là, on descend. Voilà, on y voit goutte. Où m'emmenez-vous ? Au cachot. Et vous y resterez longtemps. Au cachot ? Oui. Et avec les fers aux pieds. Et sans couverture. Ça vous passera l'envie de recommencer. Latude va rester 18 mois à l'isolement, sur la paille, dans une cellule sombre et humide. Pour passer le temps, il observe les rats, tente d'en analyser les mœurs ou regarde longuement une araignée tissant sa toile. Ses conditions s'améliorent pourtant peu à peu. On détache ses fers, on lui fournit une couverture, on lui donne de l'encre et du papier. Mais le prisonnier est loin de s'assagir. Le diable de gardien. Ils ont découvert mon poème sur la putain du roi. Tant pis, qu'ils aillent le livrer à la police s'ils veulent. Je m'en souviens et je pourrai l'écrire de nouveau. Sans esprit et sans agrément, sans être ni belle ni neuve, en France, on peut avoir le premier des amants. La Pompadour en est la preuve. Au printemps 1752, Latude a 27 ans. Pour rompre sa solitude, le gouverneur de la Bastille l'installe à l'étage de l'une des tours. La lumière y est plus généreuse, l'humidité moins présente. C'est une grande pièce avec cheminée, convenablement meublée. Il vivra avec un compagnon nommé Allègre, également incarcéré par lettre de cachet, pour avoir lui aussi dénoncé un faux complot contre la Pompadour. Je n'en peux plus de la Bastille, de sa pénombre, de nos solitudes. On est comme enterré vivant. Attends, on n'est pas au cachot. Ah, la belle affaire. C'est toujours une prison. Ce que j'attends, moi, c'est la liberté. Tu sais, j'ai beaucoup espéré dans nos placés au lieutenant général de police, ce brave Berryer. Ces deux dernières années, il nous a écoutés. Je le croyais, honnête homme. Je le crois encore, Henri. Mais c'est pas lui qui décide. Cette fois, Berryer était clair. La Pompadour ne veut plus entendre parler de nous. Faut se faire une raison. On est ici pour longtemps. Non, non. Je refuse de mourir dans ces murs. Tu crois pouvoir t'enfuir? C'est pas Vincennes ici. Regarde! Les portes sont solidement verrouillées. Ouais, mais... il reste la ressource désert. La ressource désert? On a une chambre avec cheminée. C'est absurde. La cheminée est obstruée de grilles et de barreaux. Regarde! Mais si l'on parvenait à dégager le conduit, on pourrait monter sur la tour, puis descendre la muraille, puis traverser les douves. Et si... Tu te fais du mal pour rien. Mieux vaut penser à autre chose. Allez, si on joue aux cartes? On ne me retire pas facilement un projet de la tête. Allègre l'a finalement compris et il s'est laissé convaincre. À deux, ce sera plus facile. D'ailleurs, nous ne manquons pas d'idées. Avec un briquet à silex, on a bricolé un canif. Avec un chandelier en fer, une scie. Et tout ce petit matériel est caché sous le plancher. Ni vu ni connu. Il reste à fabriquer une échelle de corde pour descendre d'une tour et une échelle de bois pour sortir des fossés. C'est pas le plus simple. Enfin, nos soirées vont être bien occupées. Passe pas le toutou. Non, Allègre. Je te demande pas la scie, mais le canif. La scie, c'est le faune. Le canif, c'est le toutou. T'as vraiment des idées bizarres. Le toutou, le faune. Et puis la colombe pour la pelote de fil. Le rejeton pour le barreau d'échelle. À quoi bon tous ces mystères? Et si on nous espionne? Parce que tu crois que si on nous entend parler de toutou, de colombe ou de faune, ça n'attirera pas l'attention? Chut! Écoute, on l'a décidé, on le fait. Continue à tailler tes rejetons d'échelle. Et parle moins fort. D'accord. Mais rends-moi le toutou. Jamais sans doute l'évasion d'une prison d'État n'a été préparée avec tant de patience et de minutie. Pendant 18 mois, les deux compères déchirent les bords de leurs draps, de leurs chemises, de leurs mouchoirs pour en faire des ficelles. Tressées, elles se transforment en une corde solide. Ils taillent également des barreaux d'échelle dans leur bois de chauffage. À force d'obstination, le matériel d'évasion est prêt et la cheminée libérée de ses protections. Et une nuit de février 1756... C'est à peine le début et j'ai bien cru que je n'y arriverais pas. La cheminée est encrassée par la suie. J'ai failli étouffer. Et mon bras gauche qui me fait mal. Ces écorchures sur la main et les genoux. Oh, c'est pas une promenade de santé. Mais ça y est, je suis sur la tour. Et j'entends Allègre qui monte. J'y arrive pas. Allez, encore un effort, l'ami. Allez, force un peu. Ça vient. En liberté, j'étais maître de pension, paramoneur. Attrape-moi la main. L'air est vif, ça fait du bien. Un avant-goût de la liberté. Oui, on approche du but. Le matériel est monté. Aucun garde à l'horizon. Dans quelques minutes, on sera sur la tour du trésor. Viens. Attache bien la corde. Faudrait pas que l'échelle se détache. Un arrêt au canon, elle tiendra. Pas de soucis. Et tu as vu la margelle? Avec ce bord saillant, on ne pourra pas s'appuyer contre la muraille. Ça va tanguer. Puis qu'est-ce que c'est haut? On le savait. Allez, dépêche! Après avoir descendu le long de la muraille, les deux ombres traversent les douves, puis se fraient un passage vers le fossé de la porte Saint-Antoine. Sans bruit, toujours aux aguets, Latude et Allègre franchissent les obstacles un à un, nagent dans l'eau glacée, décèlent des pierres. Cela prend des heures. Avant que le jour ne se lève, ils ont pourtant rejoint le chemin de Bercy. Ils ont froid, mais leur regard est à la fois joyeux et interrogateur, comme partagé entre la griserie de la liberté et l'incrédulité face à l'exploit. Ils ont réussi. Oh, quel froid! Heureusement qu'on a emporté des vêtements secs. Ouais. On se change. Et on file. Darin quitte la Bastille. Mirotan. Darin quitte la Bastille. Et puis Allègre aussi. Et puis Allègre aussi. Cette fois, la cavale dure quelques mois. La Tude trouve refuge en Hollande, mais la France lui manque. Naïf, il sollicite de nouveau le pardon de la Pompadour. Pour toute réponse, la marquise et Louis XV lui envoient Saint-Mar, qui le capture à Amsterdam en juin 1756. Allègre, de son côté, a été rattrapé 2 mois plus tôt. À la Bastille, prudemment, on ne les remet pas dans la même cellule. Écrire. Que faire d'autre qu'écrire ? Il faudra bien que la Pompadour m'entende et me fasse libérer. J'en peux plus de ces murs, de cette pénombre si désespérante. J'ai l'impression d'attendre la mort. Ça fait 4 ans que l'on m'a repris. 11 qu'on me tient enfermé. Mais je crois avoir trouvé les mots. Ma lettre est prête. À la Bastille, le 18 novembre 1760. Madame, personne ne plaint ceux qui ont l'audace de vous offenser, mais tout le monde tend une main secourable à un pauvre malheureux qui a souhaité votre conservation. Madame, avez-vous eu le temps de lire ma dernière lettre ? Daignez y jeter vos yeux avec attention, vous cesserez d'être irrité contre moi. Je ne vous demande pas une grâce, mais la justice. Soyez femme, ayez un cœur et laissez-vous toucher de compassion par 140 mois de souffrance. Madame, ayez pitié de moi. Alors, Henri, on part tout seul ? Un instant. Je viens d'achever une lettre pour Madame de Pompadour. Tenez, vous pouvez la lui faire porter ? Elle passera par Monsieur de Sartines, le nouveau lieutenant général de police. De toute façon, il a promis de s'occuper de votre cas, votre patient. Mais j'arrête pas de patienter. Alors patientez encore. Au moins, vous n'êtes plus au cachot. Au fil des années, Sartine adoucit la détention de la Tude. Désormais, on l'autorise à prendre l'air sur le chemin de ronde de la Bastille. Souvent, de loin, il observe en contrebas l'animation du faubourg Saint-Antoine, les artisans à l'œuvre et les badauds qui passent. De loin, il sympathise notamment avec 2 lingères, les sœurs Lebrun, qui habitent face à la forteresse. Il leur fait même passer des mémoires justificatifs. Quelle charmante demoiselle. Qu'il est consolant de les apercevoir à leur fenêtre, de savoir qu'elles se préoccupent de mon sort. Les voilà qui me sourient et me font signe. Ah, elles sont adorables. Elles paraissent bien joyeuses ce matin. Mais qu'est-ce qu'elles font ? Un rouleau de papier ? Un message ? Oui, c'est un message. La marquise de Pompadour est morte hier. Non, la méchante. J'aurais préféré qu'elle subisse une disgrâce. C'est comme ça. C'est peut-être la fin de mon cauchemar. La vie qui reprendrait. Allez, Denry, on rentre. Fini la promenade. C'est un grand jour. Un grand et beau jour. Voilà bien étrange. J'ai besoin d'écrire à Monsieur de Sartine. Il faut qu'il vienne m'entendre, c'est urgent. Qu'est-ce qui vous manque encore ? La liberté, diantre ! Maintenant qu'il n'y a plus de Pompadour. Oula ! Vous ne pouvez communiquer avec l'extérieur, vous le savez bien. Allez, oubliez ça. Je n'ai plus à moi gérer ici. Il faut me libérer et m'indemniser. Oui, m'indemniser et généreusement. Ben voyons. L'injustice a un prix. Il faut m'en dédommager. Je veux parler à Monsieur de Sartines. Quand Sartines vient entendre le prisonnier, la Tude est agitée, comme rarement. Convaincu de son bon droit, il demande sa libération et un dédommagement de 100 000 livres, pas moins. Il fulmine, il exige. le lieutenant général de police quitte la Bastille, convaincu que le prisonnier a perdu la raison. Quelques mois plus tard, il l'envoie à Vincennes. Là-bas, Latude paraît étrangement s'apaiser. Quelques mois plus tard, lors d'une promenade, profitant d'un épais brouillard... D'Henri qui tape Vincennes, Mironton, Mironton, Mirontaine, d'Henri qui tape Vincennes, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, il reviendra à Pâques, Mironton, Mironton, Mirontaine, il reviendra à Pâques. Rattrapé après moins d'un mois, on le surveille désormais de près, de très près. En 1777, 12 ans après sa troisième et dernière évasion, Latude est envoyé à Bicêtre. Dans le sinistre bâtiment, mi-prison, mi-hôpital, il vit au milieu des fous, des mendiants, des vénériens et des prisonniers par lettres de cachet comme lui. Alors que commence le règne de Louis XVI, il poursuit ses démarches auprès de Lenoir, le nouveau lieutenant général de police. C'est aussi pendant ces années qu'il écrit ses souvenirs. Il ne se fait plus appeler d'Henri, mais Latude, et même le marquis de Latude. On me soigne. Clac, clac, clac. Quoi, les verrous? Ouais, les sinistres verrous. Eh, c'est qu'on vous connaît, monsieur de Latude. On tient à vous garder. Tenez, voici de l'encre et du papier. Et mon mémoire justificatif? Toujours pas de réponse? Toujours pas. Et pourquoi, à la mort de Louis XV, n'a-t-on pas révoqué toutes les lettres de cachet? Comme vous y allez. La commission des grâces vous a entendu et elle a pris sa décision, voilà. Et monsieur Lenoir, il me gardera encore longtemps ici? Allez savoir. Un jour, on me verra comme une victime du despotisme. Et je dénoncerai mes oppresseurs. C'est ça, monsieur de Latude. Écrivez vos mémoires, écrivez. Mais bien sûr que je les écrirai. Et on me respectera comme un martyr. Je suis le nouveau Constantin de Renneville. Mieux, je suis le nouveau masque de fer. Je veux bien rire. Alors, reprenons. Je suis né le 23 mars 1725 dans le château de mon père, le marquis de Latude, près de Montagnac, en Languedoc. Je n'entrerai point dans le détail de mes premières années et j'aborderai directement ma vie d'adulte. Et non, non, ça va pas. Je n'entrerai point dans le détail de mes premières années. La véritable histoire de ma vie n'est que celle de mes malheurs. Oui, oui, oui, voilà qui convient. La véritable histoire de ma vie n'est que celle de mes malheurs. Latude est instable, colérique et bien difficile à garder. Pour avoir la paix, on le laisse passer ses journées la plume à la main. Lorsqu'on l'a privé d'encre et de papier, il a écrit sur du linge avec son propre sang. Beaucoup pensent qu'il n'a plus toute sa tête. Ce qui est certain, c'est qu'il affabule. Celui que ses gardiens appellent Monsieur de Latude n'est pas né dans un château, mais dans une modeste chaumière. Il n'est pas fils de marquis, mais enfant naturel, et aucun père ne l'a jamais reconnu. C'est en réinventant son existence qu'il survit, entre colère et espoir. Il y a du nouveau, monsieur de Latude. Une dame m'a donné cette lettre, elle s'intéresse à vous. On lui a raconté votre histoire. Vraiment? Vous la connaissez? Elle s'appelle madame Legros. C'est une jeune mercière, charmante, qui assure vouloir vous aider. Elle s'est rapprochée d'un célèbre avocat, maître Delacroix. Elle m'a l'air déterminée. Je ne crois plus guère au miracle. Ça fait 32 ans que je vivote. À la Bastille, à Vincennes, à Charenton, et maintenant ici à Bicêtre. Je commence à perdre espoir, et puis à me faire vieux. Lisez, elle attend une réponse. En 1782, la marchande mercière a 30 ans. Modeste, mais cultivée, elle est philanthrope et se montre émue par le sort de Latude. Sans compter son temps, elle multiplie les démarches près d'avocats, de magistrats et de personnages influents. Un jour, dans la cour de Bicêtre, avec la complicité du gardien, elle peut même échanger quelques mots avec le prisonnier. Cette femme est extraordinaire. Elle est tombée dans mes bras et a pleuré. J'ai pleuré aussi. Je m'occupe de vous, m'a-t-elle dit. Ayez confiance. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu ces mots-là. Je lui ai expliqué que mon sort était entre les mains de Monsieur Lenoir. Elle ira le solliciter. Quelle femme. Madame, vos démarches sont insistantes. On m'a parlé plusieurs fois de vos visites au Rohan, au Lamoignon, au La Tour du Pin, à tout ce qui compte, à Paris et à Versailles. Vous semblez tenir à la liberté de ce fou. Il n'est pas fou, Monsieur Lenoir. Je l'ai rencontré. J'ai échangé avec lui. C'est un innocent qui souffre et ses écrits le prouvent. Il est temps de le libérer. Mais c'est un extravagant, vous le savez. Il s'est évadé deux fois de Vincennes et une fois de la Bastille. Il ne vous apporterait que des ennuis. C'est un homme qui aspire à la liberté. Il n'attend de vous qu'un geste d'humanité. Votre détermination est convaincante, je dois l'avouer. C'est pour ça que je vous reçois. Pourtant, qui êtes-vous pour lui consacrer tant de soins? Vous n'êtes même pas sa parente, m'a-t-on dit? Effectivement, monsieur. Mais je suis sensible. Et il est malheureux. Mais que ferez-vous de cet homme si je lui accorde la liberté? Il n'a aucune fortune. Et vous-même, êtes-vous dans l'aisance? Non, je ne possède rien. Mais mon mari et moi lui assurerons au besoin le gîte et le couvert. Nous vivons et nous vivrons toujours, sans rien demander à personne. Je ne peux pas vous donner une réponse immédiate, madame, vous le comprendrez. Mais je parlerai de cela tuer à Monsieur Hamelot, le secrétaire d'État à la Maison du Roi. Quelques semaines après l'entrevue, Madame Le Gros est reçue par le premier commis du secrétaire d'État. C'est une fin de non-recevoir. Le commis lui assure que Latude est fou, affabulateur et dangereux, et qu'il ne sortira jamais, qu'il est inutile d'insister. C'est mal me connaître, et mal connaître mon mari, que de croire que nous abandonnerons. Je trouverai de nouveaux appuis. Et si besoin, l'avocat Delacroix en appellera au tribunal de l'opinion. On ne peut pas détenir quelqu'un si longtemps sans jugement. Madame Le Gros reprend ses sollicitations. Bientôt, elle obtient le soutien de Madame Necker, la femme du populaire ministre de Louis XVI. C'est l'époque où s'amplifie la charge contre le despotisme ministériel. Les attaques viennent de Mirabeau, qui dénonce les emprisonnements arbitraires. Les combats de Madame Le Gros finissent par payer. En 1784, une lettre de cachet ordonne la libération de Latude. C'est la fin d'une incarcération d'un tiers de siècle. J'ai tenu à vous apporter moi-même la nouvelle, mon ami. Oh, venez que je vous embrasse. Sans vous et sans Madame Necker, je serais mort à Bicêtre. Je vais enfin rentrer parmi les hommes. Mais vous pleurez? De joie. Mais pas seulement. Votre libération est conditionnelle. Vous êtes exilé à Montagnac, dans votre Languedoc natale. Pour vivre, vous toucherez 400 livres de pension. Je ne pourrais donc rester à Paris, près de vous, dans votre famille? Non, l'ordre que voici le défend. Mais tout n'est pas dit. Nous approchons du but et il faut me faire confiance. Évidemment. Je vous dois la liberté. Je vous dois la vie. J'ai obtenu de l'économe qu'il vous garde en prison. C'est une étrange faveur, je sais, mais elle permettra de demander votre résidence à Paris. Il vous faudra encore un peu de patience. En mars 1784, après de nouvelles démarches, Madame Le Gros obtient que son protégé puisse demeurer dans la capitale. Dans les salons et les cafés de Paris, Latude est désormais perçue comme une victime de l'arbitraire, un exemple à ne pas reproduire. Quelques mois après sa libération, d'ailleurs, une circulaire du baron de Breteuil, le nouveau secrétaire d'État à la Maison du Roi, demande l'examen de la situation de tous les détenus par lettre de cachet et l'étroit encadrement de ce type d'incarcération. Latude, l'un des plus anciens correctionnaires, sort enfin de cellule. Il s'installe à proximité de sa bienfaitrice, domiciliée au cœur de Paris, dans le quartier Saint-Germain-l'Auxerrois. Cher ami, le bonheur m'est enfin permis, et cela grâce à votre soutien. N'oubliez pas vos autres bienfaiteurs. Ils sont nombreux à vous aider. Le marquis de Condorcet, la maréchale de Luxembourg, le cardinal de Rohan, le président du Paty. Vous pouvez compter sur leur générosité. Vous n'avez plus à craindre l'avenir. J'en suis touché. Et je suis aussi heureux pour vous. Cette médaille que vient de vous remettre l'Académie française, quel honneur et quelle juste récompense. C'était une belle cérémonie, c'est vrai. Vous avez lu le journal de Paris? Non? Le prix de la meilleure action a été donné à Madame Le Gros, marchande mercière qui, pendant 3 ans, n'a cessé de secourir par ses soins, ses démarches et ses dépenses une personne dont le hasard lui a fait découvrir le malheur. Elle n'avait eu pour motif que que celui de l'humanité. Madame Legros a reçu la médaille des mains du secrétaire et a trouvé dans l'attendrissement universel une nouvelle récompense digne de sa vertu. Un bel éloge. Oui, sans doute. Mais c'est d'abord l'éloge de la philanthropie et de la liberté. Nous changeons d'époque, mon cher Latude. Plus personne n'accepte l'arbitraire. Comme mon ami a raison. À chaque table où l'on m'invite, j'entends dénoncer le despotisme des ministres. Partout, l'on disserte sur la liberté et le bonheur. L'autre jour, j'en entendais parler chez le marquis de Villette, l'ami de Voltaire, celui chez qui le grand philosophe est mort. Désormais libre, Latude passe son temps à recevoir, à visiter des amis, à lire et à écrire. En 1785, il publie le récit de ses emprisonnements et de ses évasions. Une première version de ses mémoires paraît 2 ans plus tard. Quand arrive l'été 1789, son nom est associé aux lettres de cachet et aux prisons d'État. Peu de personnes se souviennent des motifs de son embastillement, mais tous s'émeuvent de son interminable incarcération. La Bastille est tombée. C'est incroyable. Seule la Providence peut expliquer le 14 juillet. Des Parisiens sans chef qui s'emparent d'une forteresse. Quelle journée! Quand je suis arrivé devant la prison, le chemin de ronde fourmillait d'ouvriers. Ils arrachaient les pierres. Il les précipitait dans les fossés. Et avec quelle hargne! Avec quelle joie aussi! On m'a laissé monter sur la tour du trésor, celle-là même qui avait soutenu mon échelle de corde. Et puis j'ai revu la cellule où j'ai vécu avec Allègre. Le pauvre homme est mort, sans avoir connu de nouveau la liberté. C'est donc ici, mon ami, que vous avez passé tant d'années. Oui, entre ces murs. Cette chambre est comme dans mon souvenir. Froide, triste, sombre. La grande cheminée est toujours là. Tenez, ils n'ont même pas replacé les barreaux descellés. Quel lieu sinistre. Tout cela m'oppresse. D'ici quelques mois, ce souvenir du despotisme aura disparu. À son emplacement, on pourra élever un monument à la liberté. Ou alors mieux encore, un grand et magnifique bâtiment pour l'Assemblée nationale. Ce serait un beau symbole. Tenez, écoutez. Dehors. Vous entendez? Vive Latude. Vive la nation. Vous êtes entré dans l'histoire, mon ami. Tous ces citoyens qui connaissent votre nom, qui vous applaudissent, comme si vous étiez l'un des vainqueurs de la Bastille. Vous me l'aviez annoncé. Nous changeons d'époque. Je n'oublierai jamais ce pèlerinage à la Bastille. Je me souviendrai aussi de ma visite à l'hôtel de ville pour recevoir mon échelle de corde, retrouvée dans les archives de la forteresse. On m'a accueilli en héros. Quel enthousiasme! Et quelle joie sur les visages, malgré la violence des combats, malgré ces hommes et ces femmes tombés 2 jours plus tôt. Cet été 89 est si plein de contrastes. L'Assemblée des électeurs m'a donné l'échelle en la présentant comme le monument presque incroyable de mon adresse et de ma constance. C'est flatteur. Et maintenant Vestier qui veut réaliser mon portrait pour le salon de peinture. Il veut me représenter devant la Bastille, une main posée sur mon échelle de corde. L'art et l'histoire ont de ces caprices. Je n'ai jamais vu Latude si heureux. Le vieil homme rayonne. On le fête comme un martyr. Un martyr miraculeusement vivant. Il a traversé tant de drames. 35 ans d'incarcération, rendez-vous compte, et sans jugement. Il est l'homme qui a défié la Bastille, bien avant la Révolution. L'homme qui l'a vaincu, au moins l'espace d'une nuit. Il est même plus que ça. On voit en lui un combattant de la liberté. C'est un beau titre. Plus beau encore que celui d'évader de la Bastille. «

Mmh. Alors ce n'est pas la Révolution, on a entendu, qui a libéré la Tude, mais un ordre de Louis XVI qui donc finalement a mis fin à 35 années d'emprisonnement. Et pourtant la vie est quelque chose qui avait changé dans le Royaume de France, dans cette période 1770-1780, une sorte de vent de liberté qui commence à souffler, une contestation de l'arbitraire. C'est quoi ? C'est la philosophie des Lumières déjà qui fait son travail ? C'est la philosophie des Lumières, c'est aussi une soif de réforme judiciaire qui concerne la France, mais aussi l'ensemble de l'Europe, notamment depuis les années 1760, et la traduction française du traité des délits et des peines de Beccaria, un noble milanais qui propose toute une série de réformes judiciaires d'ampleur. Il propose notamment la suppression de la peine de mort et la disparition de la torture judiciaire. Et on va commencer à considérer que tout homme a droit à un procès et ne peut donc être incarcéré par simple ordre administratif. Or, ces lettres de cachet, qui étaient produites à la demande du roi, mais plus souvent à la demande des familles, sont des ordres d'incarcération administrative. Et c'est quelque chose qui apparaissait comme tout à fait normal pendant une bonne partie du XVIIIe siècle et qui devient quelque chose d'incompréhensible ou d'intolérable pour certains, tout au moins à la fin du siècle. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit apparaître une opinion publique ? L'opinion publique est déjà là, bien évidemment, et elle a changé peu à peu de forme au cours du XVIIIe siècle. Il y a une expression qui apparaît au XVIIIe, c'est l'expression de tribunal de l'opinion. Et effectivement, il y a toute une série de grandes affaires célèbres dans les années 1760-1770, dont certaines sont défendues par Voltaire, l'affaire Calas, l'affaire Sirven, l'affaire du Chevalier de la Barre. Il y a là toute une série de grandes affaires qui montrent que l'opinion se mêle de politique, demande des évolutions dans les choix qui sont faits par le gouvernement. Cette opinion est véritablement une force et effectivement, la Tude en profite. Dans le cas de la Tude, ce n'est pas Voltaire qui prend sa défense, mais c'est une femme, cette Madame Legros, une simple mercière. Ce personnage est assez beau, je trouve. C'est un personnage attachant qui montre qu'effectivement, dans des milieux parisiens, somme toute assez populaires, il y a cette idée d'humanité qui s'est considérablement développée à la fin du XVIIIe siècle. On est passé de la charité avec une forte dimension chrétienne à quelque chose qui se rattache plus à la philosophie, la philanthropie. Et Madame Legros est une philanthrope. Est-ce que ce changement dans la société de la France de l'époque, est-ce qu'elle est liée aussi à un développement de l'éducation, à un usage des livres, de la lecture, de l'écriture? On voit d'ailleurs que la Tude, qui est d'origine très modeste, sait écrire. C'est aussi ça qui va faire sa notoriété. Oui, il écrit. Alors ses mémoires vont être publiées, c'est vrai, avec une plume qui ne va pas être simplement la sienne. Il va demander à un auteur de l'aider. Cela dit, il a le sens de l'écrit, ses lettres sont argumentées. Il a rédigé lui-même une première version de ses mémoires. Et c'est vrai que le XVIIIe siècle, c'est un siècle de progrès de l'alphabétisation, notamment avec les petites écoles. C'est aussi un siècle qui voit une deuxième révolution du livre à partir des années 1760. L'imprimé devient quelque chose de beaucoup plus accessible et il y a effectivement un progrès de la culture, un intérêt pour la vie politique et la vie culturelle qui se développe particulièrement dans une grande ville comme celle de Paris. Alors, la Bastille avait ceci de particulier, donc vous l'avez dit, Hervé Loewers, qu'elle était une prison d'État. Est-ce que les conditions de détention étaient particulièrement dures ou pas ? Tout dépendait du détenu. Alors c'est vrai que la prison de la Bastille, particulièrement à l'époque de Louis XIV, est fréquentée, si je puis dire, beaucoup par des nobles. On en voit beaucoup de nobles à la Bastille au temps de Louis XIV. Elle devient la prison un peu plus roturière au XVIIIe siècle. Et les conditions de détention dépendent beaucoup des motifs d'incarcération. À la Bastille, on peut être détenu dans une cellule assez confortable, être servi par un traiteur, si on en a les moyens, mais on peut être aussi détenu dans des cachots. Et l'image de la Bastille qui va se développer au XVIIIe siècle est avant tout une image négative de la Bastille. Et on raconte même en 1789 qu'on a trouvé dans certaines cellules des squelettes encore enchaînés au mur. Bon, il y a tout un imaginaire de la Bastille qui se développe à ce moment-là. Mais les conditions de détention sont très différentes d'un détenu à l'autre. Mais ce mystère, ce secret, il semblerait que ce soit le roi et ses ministres, enfin, et aussi le lieutenant général de la Bastille qui ait favorisé ce mystère. Les passants n'avaient pas le droit de s'approcher du bâtiment, les gardiens n'avaient pas le droit de voir les visages des nouveaux détenus quand ils arrivaient. Les prisonniers qui avaient la chance de partir devaient s'engager à ne rien dire sur leurs conditions de détention à la Bastille. Il y avait quand même un culte du secret. Il y a un culte du secret qui existe, et effectivement, c'est une prison d'État, donc pour en sortir, il faut effectivement assurer que l'on ne va rien révéler de ce qui se passe à l'intérieur. Donc il y a un mystère autour de la Bastille qui effectivement accentue aussi la peur que l'on peut avoir de cette forteresse. À votre avis, Hervé Lauwers, est-ce que Latude était un peu fou? Parce qu'il y a quand même des situations assez surprenantes, il réussit 3 fois à s'évader et à chaque fois il semble faire tout pour à nouveau se faire prendre et à nouveau être emprisonné. Est-ce que c'est quoi? C'est de la bêtise ou c'est de la névrose? Ce qui est sûr, c'est que certains de ses contemporains l'ont considéré comme fou. Il a été incarcéré un moment à Charenton. Et à Charenton, on incarcérait avant tout des aliénés. Cela dit, lorsqu'on regarde ses écrits, il arrive à tenir un discours tout à fait cohérent. Il n'apparaît pas fou, mais il est sans doute particulièrement naïf, maladroit. Il a une mauvaise connaissance des rouages de l'État et de l'administration. Et également des prétentions qui sont parfois disproportionnées compte tenu des raisons de son incarcération. Quelle va être sa vie après la gloire de 1789? Alors la gloire va finalement assez peu durer. En 1790, il est encore dans cette période de gloire. Il va offrir à l'Assemblée nationale ses mémoires et il va être bien reçu. En 1791, il se présente à nouveau devant l'Assemblée nationale, cette fois pour demander une pension supplémentaire. Et là, c'est une fin de non-recevoir parce qu'on se rappelle des raisons pour lesquelles il a été incarcéré. Alors en 1792 et 1793, là, il va de nouveau se présenter. En 1792, devant l'Assemblée législative, là, il va obtenir des secours. Et puis ensuite, il va être un petit peu oublié et il va mourir en 1805, assez seul. À l'âge de 80 ans, quand même, une belle vie, avec quand même 35 ans de prison dedans. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir toujours ce fameux tableau qui a été peint par le peintre Antoine Vestier, et puis, bien sûr, l'échelle de corde qu'il avait confectionnée pour son évasion avec Allègre en 1756 de la Bastille? Oui, alors ce tableau et cette échelle de corde ont été exposés en 1789, en septembre 1789, les deux, au Salon de Paris, et ils sont conservés actuellement au musée Carnavalet. Alors ils étaient exposés dans l'ancienne scénographie du musée. Le musée est en cours de réorganisation, mais il est tout à fait probable que ces deux objets, qui sont tout à fait magnifiques et tout à fait représentatifs de ce qu'est cette fin du XVIIIe, soient à nouveau exposés dans la nouvelle configuration. Et on l'espère très fort. Merci beaucoup Hervé Lauwers. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur la Révolution française, notamment Camille et Lucile Desmoulins, un rêve de République, paru en 2018 chez Fayard, qui a reçu le prix Château de Versailles du livre d'histoire. À lire également sur La Bastille, l'excellent livre de Jean-Christian Petit-Fils, La Bastille, mystère et secret d'une prison d'État, chez Talendier. Autant n'emporte l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous partirons en train en compagnie de Paul Deschanel, le président de la République, qui en 1920, en pleine nuit, tomba d'un train et se retrouva sans rien y comprendre, en pyjama sur la voie ferrée. Une histoire cruelle qui fit beaucoup rire à l'époque et qui pose la question de la santé mentale associée à l'exercice du pouvoir. 1920, le président Deschanel ne répond plus. C'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.